traverse le monde, on prend tout jusqu'à Rio. Le coup se met bien sous pétou, vodka tropico. Allez, si je suis plus là, là, j'ai plus de réseau. Rio, Rio, Rio de Janeiro. Je suis calé sur la chaise dans le bas de sa jean. J'aime le Yankee, je veux le stunt mobile. Je veux voir les cocos faire le tour de la ville. J'ai rien donné la paix, on déguste l'asile. On fait des TP cet été. Et mes loulous bout déclassé. Ici, moi, j'ai le civil, veut me courser. Je fais des temps pleins, billets violets. Ah, la pop, pop, pop, pop, pop, pop. Un peu tropico. Petite, ouais, personne m'appelle. Poto, j'suis en chaîne, j'ai le pétard de la veille. J'suis assis au réseau, rien que j'm'ennuie. J'vois la sacoche pleine, j'suis ravi. Sans fume de fume, le paki. Gambino, c'est Rio, c'est Cali. Elle s'en la va nu, elle est pleine manie. J'suis vaillant à vie, j'arrive en showcase. J'suis des déviché, j'remets mes lacets. Demande à la main, j'vais pour les caser. Oh jaloux, j'te fais des boussas. J'ai rien clé, t'es PG bronzé. Ramène tes cops, Gambino nique tout po, po. Un gros jeune pétou po, po.